foulé par les gadas. Je ne pense qu'à me catapulter ma dame. Chant qu'à la façon dont je vais me propulser, m'expulser, m'extirper, me tirer de là. Ils font beaucoup de succès car les soucis, plus de soucis est chez moi. De la ceinture blanche à la ceinture noire, tout le monde est droit, personne ne flanche, personne ne foire. Tous gardent espoir d'avoir et de voir le paradis, de se fondre dans un soleil noir. Ça m'est mouillé par la je pluie. Je me suis dit que si l'on me poursuit, que si mes ennemis me suivent jusque dans l'infini, ce sera pas fini. S'il continue à jouer avec mon esprit maudit, sera celui qui s'en prendra au mien sur un tatami. On réglera ça ici, tous les coups sont permis. Et l'élève le plus bête s'enfuit. Aujourd'hui je me fie qu'à ma famille. Fouettés, lynchés, les Judas seront tous bannis. Trois coups de Dunjaku, c'est évident. Deux coups de sabre sur le fils pour briser toutes les dents. Allez savoir, pourquoi sommes-nous si violents? Mon arabe martial a fait des dégâts si souvent. Allez savoir, trois coups de Dunjaku, c'est évident. Deux coups de sabre sur le fils pour briser toutes les dents. Allez savoir, pourquoi sommes-nous si violents? Mon arabe martial a fait des dégâts si souvent. Allez savoir, j'enfile mon kimono de combat sur le tapis de paille de riz. Sorti de l'école MA3, là où personne ne rit. Mais travail, et il faut que ça m'aille. Faut qu'on aille tous bien pour qu'on remporte la médaille. Sans aucune faille, sans aucune défaillance. Les combattants sont plus dans la faïence. Et t'as de la chance de ne pas en avoir rencontré un. Car le grand tournoi pour nous, c'est enfantin. On a quand même travaillé ça, illico presto. Le front kick, le low kick, les uppercuts chez gros. Le sensei est fier des jumeaux, tête luxée, épaules carrées et les yeux de gosse beau. Trois coups de nunchaku, c'est évident. De beaucoup de sable suffisent pour briser toutes tes dents. Allez savoir, Yamamoto, j'aurai ta peau où que tu sois. John Woo est notre allié et ça, tu ne le sais même pas. Faut encore plus me capter sur ton canal, c'est du bon rap français. C'est les deux balles. Trois coups de nunchaku, c'est évident. De beaucoup de sable suffisent pour briser toutes tes dents. Allez savoir, pourquoi sommes-nous si violents? Mon arabe martial a fait des dégâts si souvent. Allez savoir, trois coups de nunchaku, c'est évident. De coups de sabre suffisent pour briser toutes tes dents. Allez savoir, pourquoi sommes-nous si violents? Mon arabe martial a fait des dégâts si souvent. Allez savoir, si je sors l'engin, s'il touche à mon butin, si seulement j'en bute un, si je taquine la fin. Afin de peaufiner ma fin. Dans cette histoire, y a-t-il une fin ou même un début? Rends-toi compte, ce sont les mafias contre les tribus. Le temps accentue, épingle notre mode de vie. Je m'évertue à joindre les traditions de mon ethnie. J'évoque ce qui choque les mecs de mon bloc. Débloque, toi de balles provoque. C'est un tandem de choc. Trois coups de nunchaku, c'est évident. De coups de sable suffisent pour briser toutes tes dents. Allez savoir, pourquoi sommes-nous si violents? Mon arabe martial a fait des dégâts si souvent. Allez savoir, trois coups de nunchaku, c'est évident. De coups de sabre suffisent pour briser toutes tes dents. Allez savoir, pourquoi sommes-nous si violents? Mon arabe martial a fait des dégâts si souvent. Allez savoir.